Marie-Ange Zeyman. Bonjour à tous, bienvenue dans ce journal dont voici d'abord les principaux titres. Marche manifestation, une marche manifestation a été organisée ce samedi pour dire non à la résolution des Nations Unies adoptée hier, une résolution qui vise à envoyer au Burundi 288 policiers des Nations Unies qui auraient pour mission de ramener le calme et de faire respecter les droits de l'homme au Burundi. Et puis la délégation burundaise conduite par le ministre de la Justice à Genève en Suisse pour fournir des explications sur les allégations de torture à l'ONU s'est retirée sans que la séance ait pris fin. Cette délégation demande plus de temps pour fournir des explications et des preuves des rapports qui n'avaient pas été soumis au gouvernement avant. Et puis certains parents de la zone urbaine de Kanyosha dénoncent le paiement de 10 000 francs burundais, représentant les frais d'inscription dans les premières années de l'école primaire et dans trois écoles de cette même zone de Kanyosha. Vous n'avez pas Isanganiro ? Vous ratez l'essentiel. Bonjour, une personne est morte et quatre autres blessés lors d'un accident d'un bus Otraco qui a eu lieu à Banga dans la commune de Matongo en province de Kayanza. Cet accident s'est produit vers 16 heures dans l'après-midi d'hier au moment où il y a eu une collision entre le bus de l'Otraco en provenance de l'Ouganda et un autre véhicule de marque Hilux. Selon le porte-parole de la police, Pierre Ngoulikiye, la personne qui est morte est l'une des blessées. Était juste des passants. Et puis Naïmana Saïdi, un chauffeur de Lumongue, habitant le quartier Swahili, a été arrêté chez lui et par la police de Lumongue ce samedi matin. Des sources policières disent que ce chauffeur est accusé de déplacer souvent les combattants et leurs armes et munitions et qu'il avait passé dans les mailles du filet la nuit de ce mercredi. Les proches de ce chauffeur rejettent ces accusations. Et selon eux, cela serait en montage. Et puis le journaliste Jean Bigilimana du journal Iwachu et un fonds Gualak reste introuvable depuis vendredi de la semaine dernière. Sa famille et le groupe de presse Iwachu s'inquiètent pour sa vie. Isanganiro, la radio de l'avenir. Certains parents de la zone urbaine de Kanyosha dénoncent le paiement de 10 000 francs burundais pour les enfants inscrits en première année à l'école primaire dans trois écoles de cette même zone. Deux directeurs sur trois expliquent ce paiement par le souci de gestion des écoles, notamment l'achat des bancs pupitres et la construction d'un mur d'une école. La gratuité de l'enseignement ne signifie pas que les parents sont exemptés de payer quelques frais pour leurs enfants. Les détails avec Mireille Kanyagi. Le paiement de 10 000 francs pour chaque élève qui s'inscrit en première année primaire, faisant objet de plaintes de certains parents de la zone Kanyosha, est constaté dans certaines écoles. L'école dite Shepatiri, celle de la brigade, ainsi que l'école fondamentale Kanyosha 1, dite Shemakasi. Le directeur de l'école dite de la brigade explique que ces 10 000 francs bou serviront à ériger un mur de cette école, une école située tout près des habitations. Juvenal Hakizimana, directeur de l'école fondamentale Kanyosha 1, explique que le nombre élevé des élèves qui s'assoient à même le sol a poussé la direction et le comité de gestion de l'école à se convenir sur cette somme. Nous avons vu que notre école a besoin de bancs pupitres. Parce que l'année passée, on avait un problème où on avait des enfants qui s'asseyaient par terre ou des enfants qui s'asseyaient à 5 ou à 600 fois par banc pupitre. Au vu alors de ce manque, nous avons jugé bon de chercher comment multiplier les bancs pupitres afin que les enfants puissent s'asseoir confortablement et comme ça suivre bien les cours. Ce n'est pas une mesure, c'est une convention que nous sommes convenus avec le comité représentatif des parents. Pour les parents qui se plaignent de ce paiement, Juvenal Hakizimana fait savoir que la gratuité de l'enseignement ne signifie pas que le parent est quitté de tout. Non, il doit faire à ce que son enfant puisse étudier dans de bonnes conditions. Alors, cette gratuité, c'est-à-dire que le gouvernement ou l'État ne demande aucune somme d'argent de la part d'un parent. L'école fondamentale Kanyosha 1 compte environ 7000 élèves avec environ 700 bancs pupitres. Merci à Mireille Kanyangé, en nom du nom d'Onda Ikenguruté. Cette team a été arrêtée ce samedi pour avoir tué dans la nuit de vendredi à samedi son épouse. Après le forfait, l'homme a enterré la femme dans une latrine. Les détails avec Blaise Pascal Kararoumi. Il répond au nom de cette team d'Aïkengurute. Un homme accusé d'avoir assassiné son épouse la nuit de ce vendredi samedi vers 22h à la colline de Changa de la commune Mugenyuzi de la province Karusi. La police indique que cet homme l'avait étranglé et l'a enterré dans une toilette. Cet homme de 32 ans ne refuse pas qu'il a tué son épouse, mais explique qu'il a commis ce forfait suite à l'ivresse. Il dit qu'ils venaient ensemble des cérémonies de mariage et arrivés à la maison, ils ont commencé à se disputer. Après le forfait, Daikengurutse a pris la fuite vers la colline de Changa de la commune Buhiga, où il a été arrêté ce samedi même par la police de Buhiga. Au cachot du commissariat de police Karusi, où il est actuellement, il est avec la femme de son frère, aussi arrêtée ce samedi, accusée de complicité dans cet assassinat. Cette femme d'une d'origine d'Agizimana a été surprise avec un enfant de 2 ans que la victime Espérance Chimilimana portait au dos parmi les 3 enfants qu'elle laisse derrière elle. Le procureur de la République à Karusi indique que le parquet est en train de finaliser l'instruction de ce dossier et affirme que le procès est déjà parmi les jugements de flagrance. Depuis Karusi, Blaise Pascal Kararoumié pour Radio Isanganwi. Vous n'avez pas Isanganilo? Vous ratez l'essentiel. Le Conseil de sécurité des Nations Unies a décidé ce vendredi le déploiement progressif de 228 policiers de l'ONU au Burundi pour tenter de ramener le calme et de faire respecter les droits de l'homme au Burundi. Cette résolution a été proposée par la France et adoptée par le Conseil de 11 par voix et 4 abstentions. Les policiers seront envoyés au pays pour une période d'une année. Et puis, une marche-manifestation a été organisée ce samedi pour dire non à la résolution des Nations Unies adoptée hier. C'est cette résolution, justement, qui vise à envoyer au Burundi 228 policiers des Nations Unies. Les détails avec Placide Niyomongere. Nous voilà devant l'ambassade de la France où était rassemblée la population en marche dans la capitale pour contester la résolution 2303 des Nations Unies de déployer une équipe de policiers au Burundi pour protéger la population, une recommandation qui avait été formulée par la France. Les manifestants scandaient les slogans tout en véhiculant le message que la France ne peut non plus installer le président au Burundi, un message qui était également tourné vers le pays voisin, le Rwanda. Le maire de la ville, Freddy Mbonima, dans son allocution, a dit qu'au lieu que la France formule une recommandation envers les autres pays, elle devrait tirer la couverture chez soi suite aux attentats suicides. Freddy Mbonima ajoute que le Burundi est en pleine sécurité et que pour le moment est un pays avec des forces de sécurité qui interviennent dans pas plus d'un pays. Il précise que le Burundi est pour le moment prêt pour aller renforcer la sécurité en France si une telle requête est formulée. Le maire de la ville a renchéri qu'il pense que cette résolution a été adoptée pour tester le tempérament du Burundi. Au nom du gouvernement burundais, le secrétaire permanent au niveau du ministère de l'Intérieur, Deor Beninwari, souligne que la résolution adoptée est une ingérence, une usurpation de fonction, comme il a été le cas au Rwanda en 1994. Signalons que cette marche-manifestation avait vu comme participants la société civile, dont par exemple la Ligue Zaire et Pisque Burundi. Merci à Place. Et puis le parti Parena se réjouit de la résolution du Conseil de sécurité de l'ONU votant le déploiement de 228 policiers. Au Burundi, le président de ce parti fait savoir que malgré l'effectif léger, ce déploiement est nécessaire et le gouvernement devrait à son tour à s'en réjouir puisque ce ne sont que des observateurs. Suivez Zeno Nimona, le président du parti Parena. Pour le parrainage, on se félicite du principe que le Conseil de sécurité se penche sur la question burundaise. Vous savez qu'à un certain moment, l'OIO a proposé 5000 hommes, le Conseil de sécurité également, mais ça a posé des problèmes au sein même du Conseil. Mais on se félicite déjà du fait que le Conseil de sécurité reste préoccupé par la question burundaise. En ce qui concerne les effectifs et la mission, nous estimons que c'est très peu. Et du côté du gouvernement, comme le gouvernement a toujours affirmé qu'il n'y a aucun problème au Burundi, il devrait se féliciter alors de l'effectif léger des observateurs. Sinon, rien n'a observé, tant mieux. S'il a observé, la situation pourra évoluer en fonction. Et puis la délégation du gouvernement burundais qui était à Genève en Suisse dans l'examen spécial contre la torture à l'ONU s'est retirée hier sans même que la séance ait pris fin. Selon le gouvernement, selon cette délégation, le gouvernement du Burundi se félicite de la discussion initiée par le comité, mais estime que le comité devrait communiquer au préalable le dit rapport au gouvernement burundais et lui donner suffisamment de temps pour vérifier des dénonciations portées contre le Burundi et délibérer sur les mesures à adopter. Et quand le gouvernement burundais demande que, compte tenu de la nature des allégations contenues dans le dit rapport alternatif et d'autres rapports qui doivent encore être communiqués, le gouvernement burundais demande instamment au comité de lui donner suffisamment de temps pour fournir une réponse détaillée et bien documentée à ces allégations. Captez Isanganilo, écoutez la différence. Parlons agriculture dans ce journal. Les teiculteurs du Burundi proposent qu'on recense les plantations de thé dans tout le pays. Manila Kizapol, représentant de la Confédération nationale et des associations des producteurs de thé, indique que leurs avantages sont parfois profités par des gens qui ne sont pas des teiculteurs. Cette idée est soutenue par le directeur général de l'ETB qui ajoute qu'il y a des champs abandonnés, mais toujours considéré comme existant. Le point avec Blaise Célestin Diokoukaï. La nécessité de faire un nouveau recensement des teiculteurs s'avère indispensable. Le président de la Confédération nationale des associations des producteurs du thé, qui le dit, fait savoir que les listes actuelles comportent des producteurs mentionnés plusieurs fois. Paul Manirakiza. Avec les données qu'on a, on voit que ces données ne sont pas vraiment correctes. C'est pourquoi nous voulons faire un nouveau recensement des producteurs, en même état aussi de parcelles teicoles. Alors, avec le nouveau système de collaboration avec la microfinance Mitec, qui octroie des crédits aux producteurs, on voit qu'il y a une sorte de perte. Il y a des teiculteurs qui sont recensés deux fois, voire même trois fois. Parce qu'un teiculteur sur cette colline peut avoir un autre champ sur une autre colline. Alors, quand l'OTB paye les frais de tenue de compte dans la microfinance, il paye pour un certain critère doublement ou triplement. Pas seulement ça, il y a les frais d'opération. Le certain critère, mais les frais augmentent. C'est pourquoi on demande ce nouveau recensement pour que l'OTB ne continue pas à payer les frais supplémentaires aux producteurs qui n'existent pas. Même nous aussi, les producteurs, on va récupérer certains fonds qu'on dépense inutilement. Le directeur général de l'OTB salue cette idée d'un nouveau recensement. Pour Jacques Bigirimana, c'est une façon d'éliminer les non-fictifs des teiculteurs. Avec l'intervention directe des teiculteurs en tant qu'usagers, de nous aider à identifier les vrais teiculteurs afin d'établir le nombre fixe de nos teiculteurs. Parce qu'il y a des informations qui nous disent qu'il y aurait des teiculteurs fictifs. S'il faut même qu'on commande une audite externe, nous allons faire, parce que ça va nous aider à pouvoir limiter les dépenses inutiles. Concernant ces noms fictifs, la responsabilité est du ressort des vulgarisateurs, comme certains teiculteurs le mentionnent. Merci à Blaise Célestin de Kougaïe. Puis la société de distribution de l'eau et de l'électricité, Régie des eaux, a suspendu temporairement le recouvrement forcé qu'elle avait entrepris dans les écoles secondaires redevables en suspendant la fourniture du courant électrique. Les informations en provenance de la Régie des eaux disent que pour ne pas perturber, c'est plutôt pour ne pas perturber la préparation et la passation de l'examen d'État édition 2016 à Lumongui. Les détails de Jean-Pierre Missago. Le lycée Rumonge est parmi les écoles secondaires qui avaient été déjà frappées par le recouvrement forcé de la régie des eaux. Cette école a en effet vu le courant électrique dans ses enceintes coupées par la régie des eaux dès mardi de cette semaine avant son rétablissement deux jours après. Jean Bosco Hajarimana, responsable de la régie des eaux dans le sud du Burundi, dit qu'il s'agit d'une mesure prise sur demande du ministère ayant l'enseignement secondaire dans ses attributs, afin que les élèves qui se préparent à passer l'examen d'État édition 2016 logés à l'internat n'en soient pas victimes. Teve Niongabo, directeur général chargé des finances au ministère de l'Éducation, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, reconnaît que son ministère a formulé cette demande, quitte à revenir après sur la question des impayés à la régie des eaux, qui ne concerne d'ailleurs pas le seul ministère. Selon des sources à la régie des eaux, le lycée Rumonge doit à lui seul plus de 121 millions de francs burundais d'impayés sur l'eau et l'électricité consommée. Jean-Pierre Misago de Rumonge, Radio Isanganiro. Merci à Jean-Pierre Misago. Et les champs de maïs ont été attaqués par des insectes qui ravagent les feux dans la province de Bubanza. Les cultivateurs se lamentent et disent que ces insectes résistent à tous les produits phytosanitaires qu'ils utilisent. À la direction provinciale de l'agriculture et de l'élevage, on recommande un produit appelé Doudou qui n'est malheureusement pas disponible dans les stocks du ministère de l'Agriculture et de l'Élevage. Selon Jean-Paul Barutkwanayo, directeur de la DPAE Bubanza, il précise que ce produit est disponible dans les pharmacies privées et sur les différents marchés. Isanganiro, la radio de l'avenir. Le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, dans son message lancé aujourd'hui lors de la Journée mondiale de la dignité des victimes de la traite d'êtres humains, appelle les États à s'engager pour lutter contre la traite des êtres humains et le trafic des migrants et des réfugiés et demande à chacun de renouveler son engagement à protéger, respecter et appliquer les droits fondamentaux de tous les migrants et de tous les réfugiés au Burundi. Beaucoup de filles et femmes ont pris la direction des pays arabes où elles sont maltraitées. Tels sont les propos de Prime Barou Keye, président de l'ONLCT, où est ton frère? Pour ce jour où le monde célèbre la journée contre la traite des êtres humains, il demande que le gouvernement dépêche une délégation dans ces pays pour leur venir en aide. Dans les 3 mois passés, nos statistiques nous révèlent qu'au moins plus de 260 victimes ont été trafiquées vers l'Oman et l'Arabie Saoudite. Il s'agit de jeunes filles ou de femmes qui sont vraiment tombées dans les mailles du filet des trafiquants. Nous assistons à une prolifération justement de femmes ou de filles qui ont la soif de partir pour l'étranger à la recherche du travail. Parce que, arrivés là-bas, ils commencent à être maltraités ou malmenés via les travaux forcés, les travaux durs, prostitution. On peut même les trafiquer des organes. C'est une situation vraiment qui dépasse l'entendement, qui est vraiment à bannir. Alors, NLCT, où est ton frère? Nous disons que cette journée soit vraiment une occasion de prise de conscience de tous les Burundais, voir comment éradiquer ce phénomène. Nous profitons justement de cette occasion pour demander au gouvernement de la République du Burundi de pouvoir dépêcher une délégation vers ces pays de destination afin de pouvoir trouver des voies et moyens pour procéder à leur rapatriement immédiat. Au Kenya, c'est la page internationale. Au Kenya, plus de 110 écoles incendiées en 3 mois et les motivations précises des incendies restent inconnues. Au Nigeria, 4 Nigériens ont été exécutés et en Indonésie, par arme à feu dans la prison de l'île de Moussa Kambanga. Le point avec Grace Niazi. 5 écoles sont parties en fumée au Kenya dans la seule nuit de mercredi à jeudi. Quelques 150 élèves et 10 enseignants ont été arrêtés et inculpés pour incendie criminel ces 3 derniers mois. Selon le journal Jeune Afrique, les incendies touchent majoritairement les dortoirs et semblent bien préparés dans la mesure où jusqu'à présent, les élèves n'ont jamais été pris au piège par le feu, ce qui signifie qu'ils avaient vidé le lieu bien en avance en sachant ce qui allait se passer. Aya Moussoukro, Le cinquième sommet du traité de l'amitié et de la coopération s'est achevé avec la signature de 13 accords bilatéraux entre le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire. Selon RFI, ces accords sont en matière de l'éducation, les transports, le tourisme ou encore la surveillance des frontières. La lutte contre le terrorisme a été particulièrement discutée entre les deux pays qui ont été victimes d'attentats en début d'année. Ce sommet est également le premier depuis l'arrivée de Roger Marc et Christian Caboret à la tête du Burkina Faso. Au Nigeria, l'ONG Amnesty International a qualifié l'exécution de 4 Nigériens en Indonésie comme un sida d'actes déplorables qui violent les lois nationales et internationales. Selon le site web de la BBC, l'agent du procureur général en Indonésie a souligné qu'il s'agissait d'une décision pénible mais nécessaire pour appliquer la loi et mettre fin au trafic de drogue. Grâce à stagiaire à la radio Isanganiro, et c'est par ici que nous mettons fin à ce journal. Mais avant de vous quitter, nous rappelons les principaux titres. Une marche manifestation a été organisée ce samedi pour dire non à la résolution des Nations Unies adoptée hier. Une résolution qui vise à envoyer au Burundi 228 policiers des Nations Unies qui auraient pour mission de ramener le calme et de faire respecter les droits de l'homme au Burundi. Et puis la délégation burundaise conduite par le ministre de la Justice à Genève en Suisse pour fournir des explications sur les allégations de torture à l'ONU s'est retirée sans que la séance ait pris fin. Cette délégation demande plus de temps pour fournir des explications et des preuves pour des rapports qui n'avaient pas été communiqués avant au gouvernement burundais. Puis certains parents de la zone urbaine de Kanyosha dénoncent le paiement de 10 000 francs burundais représentant les frais d'inscription dans les premières années de l'école primaire dans 3 écoles primaires justement de cette même zone de Kanyosha. Eric Ouimana assurait la mise en onde de Marie-Ange Zeymana était à la présentation. Bonne journée à tous.